cette conférence pour ceux qui sont dans la Lune. Je vais sortir de l'initiation lunaire. Quoi? C'est pas fait, ça? J'espère que tu ne poseras pas des questions dans le genre c'est quoi l'initiation lunaire, comment on fait pour s'en sortir, puis etc. Non. Quelque chose que je vais te poser des questions qui ne sont pas dans le sujet. Comment va-t-on devenir joyeux? Écoute-toi la conférence de la semaine dernière. C'est celle de la semaine passée. Okay. C'est parce qu'on a oublié la semaine passée, je pense qu'on n'a presque pas parlé. Hein? On a parlé joyeusement d'un sujet intéressant. Non, c'était correct. On reviendra là-dessus. Une question plus originale. Oui? C'est quoi l'initiation lunaire? C'est être pris avec un intervieweur qui n'est pas capable de poser des questions. Ça a l'air de rien. Mais oui. Initiation, ça vient du mot ignace. Initiation, ça veut dire passer par le feu. Alors, évidemment, on s'imagine que quand on passe par le feu, on ne passe pas par ce qui est le plus agréable. Donc, initiation, ça veut dire passer un mauvais quart d'heure. En réalité, un mauvais quart de siècle. Habituellement. Tout le monde connaît ça. Évidemment, étant donné que les initiés, c'était ceux qui sont passés par le feu, historiquement, ésotériquement, ou etc., un initié, c'est quelqu'un qu'on envie. C'est quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui est plus fort, c'est quelqu'un qui est puissant. On l'envie pour ce qu'il est, mais pas pour nécessairement... Ben, la majorité des personnes, plusieurs personnes ont déjà rêvé ou voulaient être un initié. Mais ce que les gens savent pas, c'est que pour devenir un initié, il faut passer une initiation. Et quand on commence l'initiation, ben, les personnes qui veulent être initiées se plaignent tous. « Ah, c'est pas ça que je pensais, c'est pas ça que je voulais, puis bon. » Je connais des personnes, moi, qui disent à un moment donné, ben, j'aimerais sûrement que la vie me teste, tu sais. Elle verrait que je suis intelligent, tu sais. Puis, il arrive une affaire à un moment donné, la manchure a pu finir, là. Ah oui, mais c'est pas le genre de test-là que je veux, moi. Alors, c'est ça. Dis-moi ce que tu veux, là, puis on va te le donner, tu sais. Je vais passer un test de mathématiques, là. J'aimerais me poser la question 2 plus 2. Ah, ouais. Ils disent 2 plus 2, 4, que je passe. Parce que s'ils me posent 3 plus 3, pas ça que je veux, moi, je connais pas la réponse, tu sais. Alors, initiation, c'est être passé par le feu. L'initié, évidemment, c'est celui qui est passé par le feu. Donc, c'est un carbonisé. Et puis, l'initiable, ben, c'est celui qui est en train de se faire ramasser, qu'il sait ou qu'il ne sait pas. Lunaire. Lunaire, ça fait partie de, évidemment, des lunatiques. Lunaire, ça fait partie de l'idée qu'on a souvent, enfin, que les anciens avaient, parce que ce sont des vieux termes. Lunaire, c'est simplement parce que la lumière du soleil, on ne peut pas la regarder de face, parce qu'on devient aveugle, c'est assez compliqué. Alors que lunaire, on peut regarder la lune la nuit. C'est la lumière du soleil qui est réfléchie par l'astre, par le satellite, et on peut donc observer. Alors, de ce fait, les anciens ont parlé d'une initiation douce, atténuée, qui ne rend pas aveugle, qui ne tue pas, qui ne brûle pas, comparativement à une initiation beaucoup plus violente, qui, elle, est effectivement très dangereuse. Alors, si on... Vous avez déjà tapé un coup de lune? Bon, un coup de soleil, ça arrive fréquemment. Un coup de lune, c'est très rare. Plus rare, ça moins mal. Ça. Alors, c'est quoi, encore une fois, c'est que la peau n'est pas capable de résister à l'initiation solaire, ou facilement résister à l'initiation lunaire. Alors, comme je disais dans des conférences il y a quelques années, si vous conduisez votre automobile avec le soleil en plein visage, vous risquez fortement de prendre le champ. Si un champ, évidemment. Bon. Par contre, si on se met des verres fumés, on atténue la lumière du soleil, alors on ne voit plus les mêmes couleurs, on ne voit pas aussi bien, mais on est beaucoup plus sécurisé. Là, on va pouvoir fonctionner et s'en aller. L'initiation lunaire pour l'humain, c'est un peu comme porter des verres fumés devant le soleil. Alors, on n'a pas les mêmes couleurs, on n'a pas les vraies couleurs, ce qui fait que nécessairement, on s'éloigne un peu de la réalité. Hein, ce qu'on voit ou ce qu'on perçoit émotivement, intuitivement, cartésiennement ou encore au niveau mental, tout ce qui est perçu n'a pas la vraie valeur. Ce n'est pas de la réalité, c'est de la vérité. C'est une coloration de la réalité. Et c'est l'initiation lunaire. Est-ce que c'est ce qui crée le mensonge cosmique, le fait de mettre des verres fumés? C'est le mensonge cosmique, évidemment, du fait que tout le monde pense que... Comme j'explique souvent aux séminaristes, je leur demande, la nappe ici, elle est de quelle couleur? Tout le monde me dit, elle est blanche. Moi, je dis, non, elle n'est pas blanche, elle est noire. La nappe ici, elle est noire. Tout le monde voit que la nappe est noire. Mais non, tout le monde voit que la nappe est blanche. Tout le monde sait que la nappe est noire. Alors, les personnes ne comprennent pas, puis là, je leur parle du principe de l'illusion. C'est qu'on sait très bien que pour qu'une chose émette une couleur, il faut qu'il y ait de la lumière. La lumière, elle est théoriquement blanche, c'est-à-dire qu'elle est composée de plusieurs faisceaux, hein, de plusieurs couleurs, et amalgamée, ça fait du blanc. Quand la lumière frappe la nappe elle a la caractéristique de retourner, de réfléchir la totalité de la lumière. Donc, elle ne conserve pas de lumière. Si elle ne conserve pas de lumière, elle sera noire. Et parce qu'elle réfléchit la totalité du spectre lumineux, ce qui arrive à nos yeux, c'est le blanc. Donc, on pense qu'elle est blanche. Comme par exemple, la lampe ici, disons qu'elle est jaune, cela veut dire qu'elle absorbe toutes les couleurs sauf le jaune, qu'elle réfléchit. Et nous, on reçoit le jaune, alors on dit qu'elle est jaune. Elle a toutes les couleurs sauf jaune. Même chose, ton chandail, il est blanc. Pourquoi? Il absorbe toute la lumière, donc il est blanc. Vu qu'il réfléchit rien, on aura l'effet d'un trou noir. Ça veut dire que ce sera noir. C'est partie de l'illusion. C'est bien évident que l'humain, on va s'entendre, on va dire, bon, ben c'est blanc, parce que... Mais on comprend que c'est un principe illusoire. C'est celui qui a écrit le livre « Nègre blanc d'Amérique » qui n'était pas loin de la réalité. Ah, c'est ça, c'est un nègre noir. On est tous sauf blanc. Comme le principe de l'illusion. Quand on regarde le ciel, les étoiles que l'on voit, la majorité des étoiles n'existent plus. Ça a disparu depuis longtemps. Sauf qu'une étoile qui est à 5 milliards d'années, elle émet sa lumière pendant 5 milliards d'années, elle explose, elle n'est plus là. La lumière continue son cheminement pendant 5 milliards d'années. On appelle ça une mémoire photonique. Et pendant 5 milliards d'années, on va recevoir la lumière. Alors on dit l'étoile, elle est là. Puis dans 5 milliards d'années, pouf, l'étoile n'est plus là. Alors si elle est à 5 milliards d'années-lumière de distance, on pourra savoir que ça fait 5 milliards d'années qu'elle n'existe plus. Malgré cela, on peut se servir du ciel pour faire le point sur l'océan. On peut se servir des étoiles pour se repérer. Mais les étoiles, c'est de la lumière photonique. La majorité des étoiles n'existent plus. Le ciel que l'on observe est un ciel illusoire. Ça n'empêche pas l'illusion d'être fonctionnelle. Donc, la couleur, etc., l'espace-temps, le temps, etc., c'est une illusion. Quand on voyage, par exemple, en satellite, même juste avec un avion de chasse, un réacté qui va, disons, un petit peu en haut de la vitesse du son, on se rend compte que le temps est étiré. Alors, si on prend une montre précise, d'une montre suisse, puisque ça fait plaisir aux Tamia, aux Suisses, alors on prend une montre suisse et puis on est au sol, et la personne, elle a une montre, c'est un chronomètre synchronisé de la même façon en haut, puis c'est le voyage dans un satellite ou dans une navette spatiale, quand ils vont se rejoindre, ben il y en a un qui va avoir une montre qui recule. En réalité, c'est qu'il a vieilli plus lentement que l'autre. Bon, puis ça, c'est connu depuis longtemps. On s'en sert même dans les accélérateurs de particules pour aller chercher de l'énergie qu'un électron dégage dans un laps de temps très long. Ben, en l'accélérant, il va dégager la même quantité d'énergie dans un laps de temps plus court parce qu'il y a un principe de gravité, etc. Il y a quelque chose que je peux expliquer. Ça fait partie de l'illusion. L'initiation lunaire, c'est donc l'initiation solaire dans une mécanique wattée, tamponnée, où c'est plus doux, ça avance plus lentement. C'est pour ça que plusieurs personnes recherchent l'initiation solaire, c'est pour aller plus vite. Mais il faut être capable d'aller plus vite. Est-ce que l'initiation lunaire, c'est une initiation astrale, puis l'initiation solaire, c'est une initiation de l'intelligence, ou si les deux sont moitié-moitié? Mais l'initiation lunaire, c'est effectivement astral, en ce sens que l'astral, on sait que l'astral, c'est les mémoires, les désirs, les émotions, l'ensemble de cette mécanique-là. La psychologie, c'est la relation entre ces mécaniques-là, entre l'astral, entre l'ego, donc entre les mémoires, entre le désir et l'émotion. L'initiation lunaire est une initiation astrale. L'initiation solaire est aussi une initiation astrale. L'initiation solaire, ce n'est pas une initiation mentale. Le mental n'a pas besoin d'être initié. Le mental, premièrement, c'est de l'intellect. L'intellect qui s'est dissocié de l'ego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, l'ego a peur. Alors, il va essayer de se protéger, il va devenir violent, etc. À un moment donné, l'ego a peur, il développe un intellect mental naissant, et il va s'inventer des armes qui vont le sécuriser. Mais c'est l'ego qui va se servir des armes, donc il peut quand même attaquer, agresser. S'il a peur, il va agresser. Quand il y a une abeille qui rentre dans notre automobile, ben, la majorité du monde, s'ils lisent un journal, ils vont s'en faire un bâton pour taper l'abeille. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Donc, ça fait partie encore de l'ego, des principes émotifs. Et à un moment donné, le mental finit par se dissocier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez acheter une automobile, ben, vous êtes capable de faire la nuance entre ce que vous aimez et ce que vous pouvez acheter, ou ce qui est logique d'acheter, ou ce qui est sécuritaire d'acheter. Il y a une scission qui se fait progressivement. Et à un moment donné, l'individu finit par être suffisamment mental, suffisamment centré dans son mental, pour se rendre compte que le mental s'obstine souvent avec l'astral, avec l'ego, avec la psychologie. Oui, mais j'aimerais ça, mais ça n'a pas de maudit bon sens, mais on s'amuse. Progressivement, donc, le mental, ça fait partie des structures astrales. Et nécessairement, il y a l'intelligence supramentale, l'intelligence active, simplement, qui ne dépend pas des mémoires de l'humain. L'intelligence qu'elle fait, elle n'a pas besoin d'initiation. C'est souvent elle qui va, engendrer l'initiation solaire. Mais l'initiation solaire se fait dans le plan astral, c'est émotif. Qui décide du type d'initiation qu'on va vivre? Ça s'appelle Pierre Tremblay. Yeah. C'est quoi son adresse? Non, mais est-ce que c'est l'ego qui le décide? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est le plan supramental, l'intelligence, ou ni un ni l'autre? Bon, qu'est-ce qui décide qu'à un moment donné, un bourgeon va éclater pour que les feuilles sortent? Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est la température? Est-ce que c'est l'engrais qu'on a mis? Est-ce que c'est la plante? Est-ce que c'est sa génétique? Est-ce que c'est le vent? C'est l'eau, c'est la totalité, la globalité. C'est l'événement. Donc, c'est un phénomène événementiel. C'est l'événement qui décide ces choses-là. C'est évident que c'est prévisible mathématiquement, sauf qu'il faut avoir toutes les informations. Puis comme c'est complexe, on n'arrive pas à avoir toutes les informations, donc on ne peut pas prévoir. On pourrait, mais on ne peut pas. Qui décide? Personne décide. L'humain qui dit, bon, ben là, maintenant, je vais commencer une initiation solaire. Bon, félicitations. La personne qui dit, tiens, là, on va prendre une pause, je vais cesser d'évoluer. Ça y est, les affaires commencent à mal fonctionner, tes amis commencent à te virer contre toi, tu commences à... Plein de problèmes commencent à apparaître dans ta vie, alors que là, tu voulais prendre des vacances. Qui a décidé que tu commençais à te poser des questions? Ben, c'est ça, ma question. Qui... Est-ce que c'est... On est relié à de la conscience, à de l'intelligence. Est-ce que notre propre conscience individuelle peut nous faire vivre une initiation lunaire ou... Il y a deux façons de dire ça. Ou une autre. Quand on s'identifie à l'ego, on dit on est relié à de l'intelligence, on est relié de la conscience. Alors que quand on est centré dans une intelligence, on dit on est relié de l'ego. Mm. OK? Alors c'est sûr que tu es peut-être relié de l'intelligence. Non, c'est déjà possible. On sait jamais. Moi, je suis relié de l'ego. Mm. Parce qu'il y a la personne qui va dire, crime, mon intelligence essaie de me faire prendre conscience, il faudrait que je fasse plus ça. Puis il y en a une autre qui va dire, maudit, mes émotions me charrient tout le temps. Bon, ça. Alors, il y en a une personne qui se centre plus au niveau de sa logistique ou de son intelligence, puis l'autre personne se centre plus au niveau de son émotivité, de ses mémoires, puis de ses désirs. Alors, l'humain est constitué de conscience, d'intelligence, de mémoire d'intelligence, de mémoire de conscience, puis souvent il s'identifie aux mémoires, puis les mémoires, c'est des mémoires d'intelligence, alors il pense qu'il est intelligent à partir de sa mémoire. Sauf que cette mémoire-là, c'est l'intellectuant, il a continuellement besoin d'apprendre des choses pour être capable d'être utile, d'être fonctionnel. Alors qu'avec l'intelligence, quand l'humain est centré dans son intelligence, il est intuitivement spontané et il sait ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. L'initiation solaire, on va parler de l'initiation lunaire, on revient la semaine prochaine sur l'initiation solaire. L'initiation lunaire, c'est donc un véhicule d'ascension, c'est un véhicule d'évolution premièrement, parce que dans l'initiation lunaire, on évolue. Dans l'initiation solaire, on évolue et on se conscientise. C'est différent. C'est évident que vers la fin de l'initiation lunaire, l'humain commence à se conscientiser, donc son évolution s'arrête. Parce que l'évolution, évidemment, c'est l'adaptation à des conséquences externes, c'est l'adaptation à un milieu. Le milieu peut être matériel, peut être psychologique, peut être mental, peut être etc. La conscientisation s'adapte plus. La conscientisation, on commence à devenir écologiste, on comprend les conséquences des choses, on comprend intuitivement et on comprend spontanément les mécaniques. On n'apprend pas les mécaniques, on comprend. Un exemple. Dans l'évolution, on devra dire, tu ne voleras pas. Dans la conscientisation, on ne dira rien. Si je crève de faim, puis j'ai plus rien, puis je dois manger, ben moi, voler. Mais c'est écologique. Puis si j'ai pas besoin de faire ça, ben je le ferai pas. Mais t'as pas besoin de règlement, t'as pas besoin de loi. C'est un être humain qui se conscientise, qui est conscient. Alors la personne, elle va simplement faire attention à la nature. Elle va vouloir préserver l'écologie. Elle va pas parce qu'elle l'apprend. Dans la phase finale de l'évolution, ce qu'on vit un peu dans l'échelle nord planétaire, les personnes peuvent apprendre des choses. Apprendre et comprendre des choses. Mais ils ne sont pas encore conscients des mécaniques, mais ils peuvent comprendre des choses. S'ils s'en viennent vers la conscientisation, alors ils vont, à coup de publicité, finir par apprendre que la pollution, c'est pas correct. Et lentement, ils vont comprendre pourquoi c'est pas correct, mais ils vont apprendre la compréhension qu'on va leur donner. On va leur dire, quand on pollue, ça détruit ceci, ça fait cela, puis on peut en souffrir. Ils vont comprendre la mécanique. Mais ils n'auront pas la conscience de l'ensemble. Autrement dit, une personne, on va lui dire, écoute, quand tu laves ta vaisselle avec un savon ou un vaisselle qui n'est pas biodégradable, tu pollues l'environnement. Ah, OK, fait que là, on va acheter un savon qui est biodégradable. Mais après, ça douche avec un savon qui n'est pas biodégradable. Ah ben, il n'y a pas, elle a pas la conscience. Mais là, pour qu'on lui dise, ça pas... va dire, ah, ça a de l'allure. Mais après ça, elle ne se rendra pas compte qu'elle continue à laver ses vitres d'auto avec un produit qui est non biodégradable. Quand tu lui dis, à un moment donné, elle va dire, écoute, l'exagère pas. Ah oui, c'est sûr, parce que là, elle a fait son effort, c'est correct. Parce que dans l'évolution, l'humain s'adapte. Il faut que tu lui laisses digérer. Dans la conscientisation, chaque fois, elle va venir pas prendre pour se laver, puis elle va dire, c'est-tu sa même affaire? C'est là qu'on va dire, une personne, c'est géniale, c'est intelligente. Il y a de plus en plus de monde génial. Ils souffrent de médiocratie, évidemment. La majorité des personnes ont de la difficulté à supporter ce qu'elles sont en tant que génialité. L'initiation lunaire, donc, c'est donc une démarche progressive, lente, qui s'adresse à des phénomènes grégaires d'évolution. Ça s'adresse à des masses. Alors, ça s'adresse donc à des ensembles d'individus pourrait dire la même chose pour les animaux, mais on parle d'individus présentement, parce que même un animal solitaire, tous les loups solitaires agissent de la même façon. C'est collectif, leur façon d'agir. C'est quand même relié à un égrégore ou à un... C'est la même chose, exactement. Alors que l'être humain, lui aussi, agit collectivement. Il a sa mode vestimentaire, il faut que ce soit la mode, il faut que ce soit dans le vent. Il a sa mode alimentaire, quand on se conscientise, on évolue, ça, il paraît qu'il faut devenir végétarien. Ben, il y en a plein qui végétariens là-dedans, puis ils ne peuvent pas se conscientiser. Il y a la mode au niveau du langage, par exemple. On va décider de cesser de parler d'ego, on va parler de l'âme, on va parler... Bon, c'est une mode. Les synonymes ne sont jamais identiques, il y a des nuances, mais il y a des modes. Il y a des modes dans plusieurs choses. L'humain vit d'une façon collective. L'initiation lunaire s'adresse donc à l'humain. Et l'initiation lunaire a pour unique fonction de faire comprendre, de conscientiser l'humain au fait qu'il vit dans une phase d'évolution lunaire. Autrement dit, l'initiation lunaire, elle a pour fonction, ce sont résumés en québécois, là. L'initiation lunaire, sa fonction première, c'est d'écœurer tout le monde de sa situation de vie. Pour qu'il réalise quelque chose ou tout simplement pour les écœurer? Ni pour nous écœurer, ni pour réaliser. Mais en tout cas, mais disons qu'on va dire que c'est comme s'il voulait le faire, c'est pas intentionnel. Mais l'évolution lunaire, c'est ce que ça donne, là. C'est que ça permet à l'individu de s'écœurer de sa situation de vie. De constater qu'il contrôle rien. De constater qu'il est dans une illusion, dans un marasme. De constater qu'il n'a jamais eu de libre-arbitre. De constater qu'il n'a jamais contrôlé ses idées, ni ses opinions, ni ses décisions. De constater que la grande partie de son malheur est uniquement attribuable au fait qu'il vit uniquement pour les autres. Je ne peux pas y aller comme ça, ils vont penser quoi? Puis là, j'ai de la moutarde ici, puis là, je suis pogné, puis etc. L'intestin est plein de gaz, il faudrait que tu pètes. Puis tu cherches, puis tu transpires, puis tu rencontres un patron, tu as les mains toutes moites, puis tu te sens toute croche, toujours en fonction de l'extérieur. Alors, la maison chez vous, par exemple, n'est pas tout à fait propre tout le temps. Elle est propre, mais pas ordonnée. Là, il y a de la visite qui vient, l'aspirateur, envoie donc, lit, bebelle, ça passe par là. Toujours en fonction d'autrui. Bon. Alors, ça fait partie, l'humain découvre ça. L'humain découvre subitement que t'as, pinouche, mais je vis pas pour moi. Je passe mon temps à vivre pour les autres. C'est pas mauvais de s'ajuster à autrui. L'idée n'est pas de dire qu'on doit se foutre. On doit être détaché sans s'en balancer. Mais présentement, l'humain découvre que la religion, peut-être, elle l'a promené. On vit par les autres aussi, pour et par les autres. Ben oui. On ne peut pas mesurer sa qualité de vie, si on la compare pas. Non, exactement, comme je prends une personne ici dans la salle, elle travaille pour moi, et puis à un moment donné, ben je lui donne un titre. Je lui dis, tiens, tu vas être... il y a un vendeur, puis je lui dis, tu vas être gérant des ventes. La personne, ben égoïquement... Une promotion? Oui, médiocratie. Elle considère qu'elle vaut rien. Si je donne un titre, elle vaut le titre. Alors que l'humain vaut ce que l'humain vaut. Il vaut toujours plus que les titres. Mais l'humain, il se met en bas. C'est parti encore sur des lignes. Bon, la personne subitement va découvrir, ah, ben moi, tu sais, je suis président, je suis ci, je suis ça, ou je suis... Ça change quoi? Ça vaut rien. C'est comme des actions à bas. Ça vaut des fois, mais... Ça va y venir, ça va y venir. Mais, pardon. Mais, ça n'empêche pas, comme j'expliquais, que hiérarchiquement parlant, bon, une personne qui a une hiérarchie en haut, tu la respectes du point de vue du protocole, de façon à conserver l'ordre des choses. Mais du point de vue de l'humain, tu es un humain, mais un autre humain, que tu sois en haut, que tu sois en bas, du point de vue de la hiérarchie protocolaire, les humains sont des humains. Il y en a qui ont des qualités différentes des autres, il y en a qui ont des défauts différents des autres. Mais l'humain, donc, découvre subitement que, je suis directeur des ventes, mais je suis malheureux quand même. T'sais, quand j'étais mécanicien, j'étais mauditement mieux. Puis maintenant que je suis rendu directeur de l'atelier de mécanique, j'ai plus de problèmes qu'avant. Bon, je suis médecin à telle place, mais pourtant, il me semble que j'aurais voulu une autre vie. La personne découvre. L'initiation lunaire, c'est la terminaison de l'évolution lunaire. Que la personne découvre subitement que sa démarche, son vecteur de progression, est quelque chose qui ne lui appartient pas. Et elle découvre subitement qu'elle est en lada dans un fossé et qu'elle roule dans le bout. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais ou qui n'auront jamais conscience de ça, qui ne passeront pas d'initiation lunaire, à part qu'ils se fusionnent instantanément sur le coin de la rue, là, mais je veux dire, dans le sens inverse, dans le sens qui se... gros orage. Ouais, c'est ça. Dans le sens qu'ils ne se rendraient pas à l'initiation lunaire. Oui, bien, si les trois quarts du plan planétaire dans cette vie-ci ne pourront pas vivre l'initiation lunaire uniquement parce qu'ils n'en ont pas besoin, uniquement parce qu'ils ne sont pas rendus à un niveau où c'est utile pour eux autres de vivre l'initiation lunaire. Parce que l'initiation lunaire, il faut bien comprendre, c'est pas une question de « ça ne nous rend pas heureux ». D'ailleurs, le but de la vie, c'est même pas de nous rendre heureux. En tout cas, c'est son but, il faudrait qu'on commence à l'éduquer, parce qu'elle ne réussit pas souvent. Si on regarde l'historicité humaine, le bonheur, il n'a pas, en tout cas, il y avait des apothéoses de nations, des apocalypses, des guerres, en tout cas, ce qu'il faudra. L'initiation lunaire, c'est pas tout le monde qui va vivre ça. Normalement, une personne qui est heureuse, etc., vit pas l'initiation lunaire. Quand une personne commence à vivre l'initiation lunaire, plus elle a d'informations, évidemment, sur les mécaniques de maturation psychologique, plus elle va passer à travers d'une façon agréable. Sauf que moins elle a d'informations, moins elle comprend. Moi, j'ai rencontré, à un moment donné, un psychologue qui avait pris plusieurs paquets de médicaments, qui était en train de mourir. Et puis là, à l'époque, je travaillais pour Urgence Santé, ce qui m'autorisait à rentrer dans les maisons. Et puis, je lui demande pourquoi c'est un gros bonhomme, il était encore assez fort pour nous taper, puis il voulait juste nous dire pourquoi il voulait se suicider. Mais il n'était pas question qu'on l'amène. Ah ouais. Nous, on attendait qu'il tombe, parce qu'on n'aurait jamais pu l'amener. Il tombe dans la cigarette autant que possible. Puis là, je lui demande pourquoi tu veux te suicider. C'est logique de se suicider, je comprends, il y a plein de raisons de se suicider, mais la tienne, c'est laquelle? Fait qu'il me dit, je suis psychologue. C'est pas une raison de se suicider. C'est une excellente raison, tombe. Tu sais, à refaire de l'école. Ben, il dit, l'amour, ça n'existe pas. Ben, j'ai dit ça, c'est évident que l'amour, ça n'existe pas, ça, mais c'est pour ça que tu t'es suicidé. Fait que là, comment, c'est ça? Ben, c'est évident que l'amour, ça n'existe pas. Rien d'autre. Moi, si je t'aime, c'est parce que tu me rends service. Et le monde qui font du bénévolat, là, ça leur rapporte. Quand ça leur rapporte plus, ils n'en font plus. Quand ils aiment ça travailler avec les vieux ou avec les jeunes ou avec les handicapés, ils en font. La journée, ça leur rapporte plus rien, ils lâchent. C'est évident. Ils n'aimaient pas. Puis quand tu aimes une fleur, tu te mets dans un bocal. Tu aimes ce qu'elle te rapporte, la fleur t'en balance. Quand tu es fané, t'as la moue poubelle, on commence. C'est sûr que l'amour n'existe pas. Il voulait plus mourir, il voulait jaser. Faut qu'on se parle. L'initiation lunaire qu'il était en train de vivre, il était en train de découvrir qu'il y a des choses qui sont pas comme on pensait que c'était. Mais crime, quand on commence à comprendre, pas le temps de mourir. Il aurait fallu mourir avant ça. Ouais. Maintenant qu'on commence à comprendre, c'est plus le temps de mourir. Là, c'est le temps de vivre. Parce que là, maintenant, tu vas éclater dans une autre sphère de conscience. Tu vas découvrir des choses. Mais c'est parce que quand tu commences à comprendre ça, tu comprends pas encore que c'est ça. Là, tu penses que c'est la fin de la fin. La désillusion de la vie, des dieux, puis de la matière, puis de ce que tu voudras. Alors que c'est pas ça du tout. L'humain commence à comprendre, il s'émancipe. L'initiation lunaire. Mais es-tu tombé dans la civière? Oh oui, il finit par être assez noqué qu'on l'a mis dans la civière. On l'a amené assez vite à Saint-Luc, puis Saint-Luc s'est habitué, ils n'ont plein. Puis ils ont fait un affaire de l'estomac, puis là aujourd'hui, je sais pas s'il aime plus la vie. Vu que l'amour n'existait pas trop. Mais en tout cas, ils l'ont sauvé localement au niveau du temps. Je peux pas te dire après, là, j'ai pas un dossier sur tous les clients que j'ai ramenés. Mais lui, il est en train de vivre une initiation lunaire, il vient de découvrir subitement quelque chose. J'ai rencontré un bonhomme à qui j'ai travaillé. Je travaillais avec les scouts, je m'occupais d'une troupe d'éclaireurs, puis lui était chef scout. Puis lui, il avait ses enfants. Moi, mes enfants étaient dans les éclaireurs, ses enfants étaient dans les louveteaux. Fait qu'il était un petit peu jaloux de moi, mais d'une jalousie, il m'enviait. Il était pas jaloux, c'était correct. Et puis, donc, on allait camper 2 semaines de temps, etc. Puis moi, j'avais mes jeunes qui étaient dans les camps. Puis lui, ben lui, ses jeunes étaient dans les louveteaux. Il avait hâte. Dans 2 ans, son plus vieux arriverait dans les éclaireurs. Et lui, il croyait uniquement en Jésus. C'était bon gars, Jésus. Moi, j'avais rien contre qu'il croit en Jésus. C'était génial. C'est puis bon on nous en parlait, etc. C'est un bon diable. C'est son idole, ouais. C'est ça. En langage inversé des humains. C'est un petit Christ ou c'est un bon diable. C'est un bon diable. Et puis, à un moment donné, il s'occupait avec sa femme, des couples qui avaient des problèmes. Mariage Encounter, ça s'appelait. Encounter du deuxième type. Et puis, à un moment donné, il a fait des conférences avec sa femme dans des prisons pour rencontrer des détenus. Des couples. C'est ça. Et puis, à un moment donné, ben, juste quelques mois avant que la saison reprenne, enfin, que ses enfants, son plus vieux, puissent rentrer dans les éclaireurs, il y a un détenu qui est sorti de prison. Il est allé voir sa femme. Puis, ils sont amourachés, puis ils ont sacré le camp avec les enfants. Là, Jésus, là, cette affaire, là. Le petit diable. Il avait tout fait au complet, là. Le petit diable s'est rasé le petit Christ. Il avait tout fait au complet, c'était parfait, puis là, tout s'effritait au complet. Il n'y avait plus rien. On l'a revu dernièrement. Il était habillé en cuir, avec des grosses chaînes, puis sa job, vendre de la drogue aux jeunes. Ben, métorieux. Et moi, j'ai voulu vous aider au nom d'etc., là. C'est ça qui se passe. Attends, on va se manger. Lui n'a pas été capable de supporter l'initiation lunaire. Il va probablement passer à travers. C'est un gars extrêmement intelligent, ça lui prend un laps de temps. C'est un choc. Il aime sa femme, il adore ses enfants, il s'est créé tout un monde, lui-même manipulé. Quand vous voulez imaginer un avenir, imaginez-en un que peut-être, un que vous ne voulez pas trop aller. Parce qu'ils avaient construit, on les a jamais. On a peut-être des saveurs qui ressemblent à ça, mais... On pense qu'on l'a des fois parce qu'on se fait un rêve puis on le réalise en partie, mais c'est peut-être pas là. C'est sûr que comme On n'a pas rêvé l'apocalypse du rêve. Non, mais tu sais, comme je dis souvent, créer un monde particulier, on peut espoiriser un avenir, mais c'est la saveur qu'on doit conserver, pas la forme. Parce que sans ça, là, moi, je vais avoir un auto bleu pour être heureux. Si t'es heureux, on t'amène une auto verte. Ah là, c'est sûr que t'es malheureux, c'est une bleue, tu pensais que t'as pas l'avoir. C'était la saveur, c'est le bonheur, ou c'est la qualité de vie ou le confort de vie qu'il faut pour... Moi, je veux être avec mes chums toute ma vie. Mais peut-être qu'ils vont changer, peut-être qu'il y en aura d'autres qui sont équivalents ou meilleurs. Peut-être vivre juste 3 jours, mais avec tes chums. Ouais, c'est toi, ça. Bon, alors, ce bonhomme-là, il a vécu une initiation lunaire majeure, qui n'a pas pu digérer tout de suite. L'initiation lunaire, c'est donc un phénomène très intéressant, qui s'adresse aux masses, qui fait partie de l'évolution archangélique de l'humanité, c'est-à-dire l'évolution par principe de troupeau. Ça veut dire que ce soit un sauveur, que ce soit un gourou, que ce soit un maître, que ce soit un avatar, que ce soit quelque chose comme ça. Quand l'humain est psychologiquement et mentalement associé et assujetti à la conscience ou à la conscience mémorielle de quelqu'un d'autre, il vit une évolution lunaire. Hein? Il suit, il a besoin toujours de poser des questions, puis il a besoin de qu'on lui dise quoi faire. Comme je dis souvent, moi, je ne conseille pas, ça frustre certaines personnes de temps en temps, mais je préfère qu'ils découvrent comment ils vont s'en sortir, puis après ça, ils vont savoir comment. Ils vont avoir la recette de comment on s'en sort. Autrement dit, il faut que l'humain apprenne comment apprendre au départ. C'est pas juste qu'il apprenne les choses des autres. Alors, la personne, lentement, elle va s'éclater à ça. Elle va découvrir, elle va conscientiser qu'une grande partie de toutes les structures psychologiques qui sous-tendaient sa vie jusqu'actuellement, ces structures-là sont fausses. Premièrement, l'humain va découvrir dans l'initiation lunaire qu'il n'y a absolument pas de libre arbitre, qu'il a toujours été manipulé. Il va découvrir qu'il pense même pas, que sa pensée lui appartient pas, c'est une radio qui joue dans sa tête, puis ça ne le regarde pas du tout. Il pensait qu'il pensait. C'est la seule chose qu'il pensait. Et puis je le dis souvent encore, la preuve, c'est que couchez-vous, puis dormez-vous tout de suite. Vous ne pouvez pas, ça pense dans votre tête, mais c'est cette pensée. Ah ben là, il faut contrôler la pensée. Mais quand on contrôle la pensée, c'est pas nous autres. C'est bien simple, c'est pas. Parler, quand on parle dans sa tête, c'est nous autres. Quand on parle oralement, c'est nous autres. Quand on pense oralement, c'est pas nous autres, c'est ceux qui pensent tout haut. Puis quand on pense dans sa tête, c'est pas nous autres. Alors, vous voulez arrêter de parler dans votre tête, vous arrêtez quand vous voulez. Mais là, vous avez eu un accident, là, puis là, ça revient. Arrêtez, parce que c'est pas capable. C'est plus fort que moi, disent les personnes. Puis combien de milliers d'années ont été passées par certains humains à étudier des méthodes pour contrôler sa pensée? Écoutons, c'est ça de penser qu'on pense, là. Dans l'initiation lunaire, l'humain, là, certaines personnes vont apprendre. Et dans l'initiation lunaire, les personnes vont subitement comprendre que ce qu'ils savent, c'est ça. Parce qu'avant, ils le savaient, c'est ça, correct. Tout est illusion. C'est vrai, tout est illusion. Ouais, la journée, vous découvrez que tout est illusion, là. En théorie et en pratique. Là, on passe de l'époque théorique à l'époque pratique. Demande à dire à quelqu'un, sais-tu qu'un jour, il y a des chances que tu meurs? Personne ne va dire, ben oui, c'est sûr. Ça, elle l'a appris. Pas conscient encore. La journée qu'elle va être consciente qu'un jour, probablement, ça va arrêter net. Elle va avoir le goût de continuer à faire des affaires, de continuer à travailler. C'est ça, continuer à s'occuper de ses enfants qui vont mourir, eux autres aussi, les niaiseux. C'est le truc où, quand tu as conscientisé de la mécanique, tu es en train de laver ton auto, là, qu'un jour, tu as même plus là. Qu'est-ce que je fais là? Non, mais j'ai autre chose à faire que de laver mon char, là. Ça, c'est l'initiation lunaire, c'est quand l'individu, subitement, là, conscientise des mécaniques qui font partie de l'illusion. Là, il peut arriver plusieurs choses rendues là. Plus que ça. Parce que dans l'exemple que tu mentionnais tantôt, il y en a un qui décroche puis qui dit, moi, je me réveille contre la société ou contre ce qui m'a fait vivre l'initiation. Je me venge de l'illusion. Sans nécessairement savoir que contre qui ou contre quoi, mais ils vengent la vie en général. Puis, ils vengent des jeunes, c'est les jeunes qui prennent ils vengent les autres jeunes. T'as l'autre qui prend des pilules, qui lui sacre le camp à l'extérieur. Y a-t-il d'autres méthodes? Y a-t-il d'autres possibilités qui sont plus intéressantes? Oui, la mienne. Moi, j'étais dans un véhicule ambulancier à un moment donné, puis je lisais un livre de Krishnamurti. Et puis, je commence toujours par la fin, puis lentement, on remonte. Et puis, après quelques pages, subitement, je me marie comme un fou. Là, je venais subitement de constater comment toute la manchure au complet, ça n'a rien à voir avec Krishnamurti. Tu sais, j'aurais pu m'être en train de manger un Big Mac, ça allait pas tout vous acheter un livre de Krishnamurti après. Là, je riais. C'était une libération totale. Je m'amusais comme un... un ambulancier qui vient de s'épanouir. Et puis, je rigole. C'est-tu une vraie farce? Quand tu regardes un arbre, là, c'est pas un arbre. Et juste profiter de ce qui se passe. Puis quand c'est fini. Là, je me suis rendu compte de toutes les... Là, je riais. Mon préposé était couché sans civière en arrière. Il est arrivé avec la bonbonne d'oxygène, le masque, tout ça. Je sais pas ce qui se passait. J'ai pas expliqué. J'y ai ri encore plus. Non, parce que là, il t'a remis sa civière. Ah ben, il m'a rattaché des contentions puis tout ça. Ça, c'est une autre façon. J'ai trouvé ça drôle. Je me suis déjà ramassé, moi, je m'habillais avec le linge de mes amis. J'avais 3-4 manteaux de printemps ou d'automne, je suis plus trop là, du linge usagé. J'avais pas d'argent. Et puis je m'étais fait voler par d'autres de mes amis. En tout cas, une amanchure. Vers 18 ans, j'ai perdu à peu près 23 000 $ dans une affaire. Puis j'avais travaillé suffisamment pour ramasser 23 000 $. Et finalement, je me suis ramassé avec rien. J'avais des souliers fendus en arrière, que c'était facile à mettre, mais ils sautaient souvent. Puis l'hiver, je courais de l'autobus à la maison, j'avais pas de bottes. Du reculon pour pas que les souliers s'en aillent. Non, t'as besoin de tes pères, t'es bien. Ah, super même que moi j'avais. Ah ok, t'es pas en avant. Et puis, je trouvais ça agréable de me rendre compte comment tout est totalement illusoire. Puis là, je repensais à ce que j'avais lu à l'école à propos de Bouddha. Vous savez, Bouddha, c'est le gars qui mangeait un grain de riz par jour à un moment donné. Bon. T'es mec, Bouddha. Et puis, moi, je mangeais un cornflakes. Ben, c'est meilleur au goût qu'un riz. Un équivalent américain. Non, mais tu vas-tu sortir un chaudron, tu vas mettre de l'eau, faire bouillir l'eau, mettre un grain de riz dedans, puis... Vérifie, c'est correct, faut pas que tu échappes dans l'évier parce que. Ce qu'elle appelle souper. Un cornflakes. T'aurais pu prendre des Rice Krispies, au moins, t'aurais pu. Ouais, ça aurait été comme Bouddha, ouais, ça aurait été comme mais, non, je trouvais ça amusant. Très amusant. J'avais hâte de m'en sortir. J'en souffrais pas psychologiquement. Je trouvais ça comique. Puis là, je regardais, là, j'ai pensé à Bouddha. Parce que tu lis pas la bouche pleine dans ce temps-là, bien sûr. Ben oui, mais pleine de ce que t'as. Et puis là, j'ai repensé à Bouddha qui avait tout compris. Puis qui était mort lui aussi. Tu sais, l'illusion est encore plus grosse, là. C'était une vraie farce. C'est pour ça quand t'es ambulancier, tu vas à Noël ramasser une personne qui est en arrêt cardio-respiratoire, que t'arrives pas à réanimer, tu sais, puis le beau sapin de Noël qui est là, puis tous les cossins complets, puis quand tu t'en vas avec ça, ben tu passes avec la personne qui est décédée, tu t'en vas la conduire à un hôpital, faire un constat de décès. Et puis tu sais que dans toutes les maisons que tu passes, devant lesquelles tu passes, ben le monde s'amuse, il y en a là-bas qui ont trop bu, qui s'engueulent, puis tu t'en vas avec ça, puis ça c'est la vie. Je riais comme un fou. Tu riais, ça? Moi, quand j'ai passé une étape sans l'avation, je riais pas. Non, c'est sûr, mais c'est une façon de faire. Il faut que l'humain apprenne à rire. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'humain comprenne, c'est comme je le dis souvent. La personne qui est totalement alcoolique, elle ne sait plus qu'elle est alcoolique, elle est toujours chaude, là, elle ne sait pas qu'elle est chaude, elle pense que c'est un état naturel des choses. Elle boit, puis elle a soif. Mais l'état psychologique ou psychomoteur est pas fort, mais je pense que c'est correct. La journée qu'elle commence à dégriser un petit peu, à un moment donné, parce qu'elle se rend compte de son état, là, c'est là, elle commence à boire, elle va oublier qu'elle boit. Hein? Là, elle commence à conscientiser son état, c'est le choc et c'est la crise. Mais c'est justement, suicide-toi pas là. Continue à dégriser. Ouais, mais si je continue, là, te rends-tu compte comment je suis? Je t'ai raté, puis Non. T'étais ce que t'étais. Là, t'es plus ça, tu le vois. Conscientise, continue à avancer. C'est drôle, là, regarde comment tu t'es fait charrier dans ta vie. Puis c'est pas passé, c'est pas perdu, on n'a rien à faire. Mais comme il n'y a pas de. À cette étape-là, il n'y a pas de saveur de ce qui peut être ou de ce qui peut s'en venir, parce que toutes les données sur lesquelles on s'était basé avant sont détruites, sont démolies. Fait que comment on fait? Il n'y a pas de recette. Ben, c'est facile. Tu vas voir un gars qui est un ancien alcoolique, qui ne l'est plus, puis il demande comment je vais dans la vie? Lui, tu réponds, ça va bien. J'ai bois le jus encore? De l'eau. Ouais, mais pas juste, je veux dire. Non, je bois plus. Mais t'es heureux. Ben oui, je suis heureux. Fie-toi, pas fais confiance, mais prends comme observation des personnages qui, à un moment donné, apparemment, s'en sont sortis. Si moi, j'explique tout ce que j'explique, puis j'arrive à vivre allègrement, ben une personne qui comprend pas tout ce que je comprends, ben devrait se dire, écoute, avec ce que je comprends, moi, j'ai de la misère. Mais lui, avec ce qu'il comprend, là, comment ça qu'il n'y a pas plus de misère? Mais je vois des choses que l'autre ne voit pas. Le gars qui est dessoulé, il voit un monde que l'alcoolique ne peut pas voir encore. Ça va servir à quoi de me déchouler? Je peux pas te l'expliquer. Écoute, quand tu vas être... C'est trop sevré, fou, tu comprendras rien. Quand tu vas être sevré, quand tout va être correct, tu vas comprendre. Et je veux comprendre quoi? Quand il va en avoir le bol, là, il va commencer à se dessouler, là, puis à un moment donné, il va commencer à comprendre. Il va se rendre compte que ses amis qu'il a, il peut plus rester avec. C'est tous des cochards, des alcooliques, tout aussi. C'est l'initiation lunaire. Je perds mes amis en plus, toi, là. J'étais bien mieux comme j'étais avant. C'est vrai, mais c'était pas digne d'un être humain. C'était pas digne de ce qui t'habite, de ton intelligence. Puis là, lentement, ça fait d'autres amis. Ça fait pour en aider quelques-uns à sortir, mais reste pas trop attaché spirituellement aux autres. Ils viennent t'aider, ils viennent te conseiller, c'est correct. Cours pas après, parce que là, tu perds finalement tes capacités de t'émanciper pour travailler avec les autres. S'ils viennent te demander des conseils, etc., tu vas les aider un peu. Mais tu deviens pas spirituel, tu n'essaies pas de les convertir à l'anti-alcoolisme. Et puis, progressivement, la personne elle va finir par avoir une tête tellement différente, tellement claire. Moi, je connais des personnes qui se droguaient, puis qui maintenant, ils n'en reviennent pas. Comment que les choses sont claires, puis avant, c'était compliqué. Ben, c'est évident, les neurones ne peuvent pas tout fonctionner. L'initiation lunaire, c'est un peu la même chose. On vit, tout va bien. Hein? On passe notre vie à acheter des billets de loterie, puis on ne gagne pas. On ne prend pas conscience qu'on est manipulé. On ne réussit pas notre vie. Sans ça, on gagnerait. Puis là, on passe notre vie à s'obstiner pour dire rien, à s'engueuler avec les autres, à chialer, etc. Ça fait toute partie, ça, du normal. Oh, le bon chicane de famille, de temps en temps, ça fait du bien. C'est bien mieux de vivre sans chicane de famille. Bon. Puis, oui, mais, tu sais, du piquant dans la vie, là, tu sais, il en faut de temps en temps. Ben oui. J'ai assisté à un hold-up l'autre fois. Hein, j'étais dans la banque, ils sont rentrés, des gars, des cagoules, tout ça, pour hold-upper. Et puis, finalement, les gars, ils n'ont rien volé, parce qu'il y en a un qui était trop épais. Attends, passe-moi ton sac. Ah ouais. Le gars, il s'est poté un petit coffre fort, puis ses deux chums, ils disaient « Fais les caches! » Puis ça s'accrée en arrière, puis le gars, « Ah, venez ouvrir ça! » Puis il m'a « Fais les caches! » Il reste plus de temps à faire! Puis le gars, il m'a fait les caches. Finalement, ils sont partis, ils n'ont rien volé. Le hold-up est réussi, mais ils n'ont rien volé. Et puis, mais là, les personnes, là, tu sais, la vie est plate, avoir un petit peu de piquant. Quand ça sortit, les gars, là, il y a un monsieur qui s'est effondré, une femme qui a commencé à broyer, il y avait du piquant dans la vie. Il y avait en masse. Puis c'était du piquant psychologique, en plus, il leur était rien arrivé. Tu sais, les gars avaient des bonnes nylons en tête, mais peut-être qu'ils étaient plus beaux comme ça que de nature. Tu sais, il n'y avait pas besoin de paniquer. Puis finalement, ben, il y a du piquant dans la vie. L'humain qui commence à s'émanciper, l'initiation lunaire, c'est de découvrir qu'on est entouronné dans une grosse farce, qu'on nage dans un gros plat de jello. C'est ça l'initiation lunaire. Tu travailles. Tu sais, quand je suis dans un séminaire, à un moment donné, puis j'explique aux individus, la richesse, c'est quoi? Bon, la planète Terre est divisée en deux, hein? L'hémisphère nord, pas des pays qui ont de l'argent n'ont pas de temps. Les pays qui ont du temps n'ont pas d'argent. Puis c'est bien organisé. Il n'y a personne de riche. La personne qui a travaillé toute sa vie, là, pour savoir une retraite, elle a dit, m'a fait plein d'argent, j'aurai pas de temps, puis après, on va plein de temps, puis là, on va faire de l'argent. Ce que l'humain comprend pas, c'est que pour avoir du temps, il faut que tu dépenses de l'argent. C'est toujours un qui transpose dans l'autre. Il y a une façon d'avoir les deux. Mais dans la culture actuelle, au niveau des affaires et de la finance, c'est pas ça. La personne prend sa retraite, puis elle commence à dépenser son argent. Là, elle s'achète du temps. Bon, puis comme on l'expliquait à un moment donné, tu as plein d'argent, tu n'as pas de temps. Fait que tu achètes une laveuse à vaisselle pour gagner du temps, mais c'est une perte d'argent. Tu engages une femme de ménage ou un homme de ménage, c'est une perte d'argent. Tu gagnes du temps. C'est cher. Quand l'humain découvre tout au complet, là, quand t'as plus de temps, t'as plus d'argent comme moi, là, tu peux rien perdre. Tu as du temps en masse parce que tu l'occupes à d'autres choses. Tu as du temps en masse. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Mm-hmm. Psychologiquement, tu n'as pas encore la capacité de supporter le non-être. Non, mais ce que je veux. Je dirais là-dessus. Ah, c'est ça. Mais il y en a, quand on est dedans, quand on est dans la période où on a de l'argent, il nous semble qu'on a un peu de temps. On va dire qu'on travaille beaucoup, mais on travaille pas beaucoup, on joue au golf, on joue au tennis. On travaille 75 heures par semaine, mais on a du temps. Il nous semble. C'est pas que ça. Vous avez du temps quand vous avez de l'argent. Là, m'allez voir vos enfants, vous interviewer. Ton père, là, tu vois-tu assez souvent dans le goût? Ta mère, ta voiture assez souvent dans le goût? On va savoir s'il y a du temps. Il n'y a pas de temps. Puis si je demande à parler à la personne, si ton fils, là, se suiciderait ou se ferait kidnapper, ça me dérangerait-tu? La majorité de ces personnes-là, ça dérangera maudit. Ils aiment les enfants. Là, tu regardes, les enfants, ça n'a pas de temps. Tu penses, tu dis, ok, tu aimes faire ce que tu fais, mais t'as pas de temps. Manipulant, maudit, mais t'as pas de temps. T'as pas prendre des vacances, t'as pas de temps. Parce que quand tu dis ça à quelqu'un qui travaille puis qui réussit, qui prend pas de temps pour lui, il dit, oh, non, j'en prends. Je joue au tennis le mercredi matin à 4 heures. Il y en a plusieurs, mais ils prennent du temps, à un moment donné, sur la cardiologie, ils prennent du temps, ils prennent un mois, ils prennent deux mois, ils prennent trois mois, à un moment donné, comme ça. Puis c'est du monde correct, ils prennent trois, quatre mois, comme ça, en plein milieu des gros congrès, tu sais. Pouf, là, ils décident, moi, je prends du temps, là. Tu sais. Mais faut payer les placards. C'est ça, c'est un pont vers l'avenir. batterie. Le temps, il y a des personnes, évidemment, qui arrivent à gérer l'argent et le temps, mais c'est rare. L'initiation lunaire, c'est donc quand tu découvres ça au complet, au complet, au complet. Comment on fait pour s'en sortir de l'initiation lunaire? Je pose une question. C'est moi qui ai supposé te poser des questions. Ah, mais tu poses pas. Ben, t'arrêtes d'évoluer, tu commences à te conscientiser. C'est exactement ça. Ce que tu as dit, c'est facile à dire? Oui, c'est facile à dire. Mais c'est ça. C'est pas parce que c'est facile à dire que c'est pas ça. C'est exactement ça. Okay. Donc, comment on fait pour arrêter d'évoluer puis se conscientiser? Tu te conscientises, tu sais comment. Je vais vous expliquer c'est quoi l'évolution. Mais c'est exactement ça. Il faut cesser d'évoluer. Il faut se conscientiser. Oh, évidemment, il y a une étape, hein? Quand on est un enfant, comment on devient adulte? Ben, tu finis par être un adulte. Ça prend 5 ans, prend 6 ans, prend 3 ans, prend 50 ans. Ça dépend des personnes. C'est un peu la même chose, il y a une période de transition. L'initiation lunaire, il faut bien comprendre que l'initiation lunaire, c'est la phase apocalyptique, la phase terminale, la phase apothéosique peut-être, dépendamment des personnes, de l'évolution conventionnelle où tu apprends sans arrêt que c'est pas ça que tu aurais dû faire. Finalement, c'est ça un peu. Bon. Alors, à un moment donné, la personne découvre complètement que sa vie puis tout ce qui l'entoure au complet ne fait pas partie des principes. En tout cas, c'est bizarre et c'est chou, je pète. On dit si j'avais su. Ben, c'est ça, si j'avais su. Si jeunesse savait puis si vieillesse pouvait. Ben, à un moment donné, là, plus ça, là, ça sert, à quoi ça sert? Ça sert à... Imaginez, ça sert même à rien de savoir quand on approche d'un certain âge. On ne peut pas rien faire. Puis les jeunes, ils veulent rien savoir de nous autres. Alors, ça sert à quoi de savoir? Ça sert à quelque chose, mais on se fait long à expliquer. L'évolution, donc, c'est une question d'apprentissage. J'apprends. Et les personnes sont intuitives. Ils vont donc être capables d'apprendre plus rapidement parce qu'il suffit à d'autres créneaux didactiques, d'autres créneaux d'éducation. Mais l'initiation lunaire, ben, elle arrive à un moment donné pour nous faire prendre conscience. Pas pour, mais c'est ce que ça donne. C'est ce qu'on a appelé l'initiation lunaire. C'est la conscience complète que notre vie ne vaut peut-être pas grand-chose du point de vue de ce qu'on a accompli. Je connais des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui sont extrêmement riches. Présentement, ben là, ils aimeraient bien trouver quelqu'un pour tu sais, quelque chose à faire ou les dynamiser ou ils veulent vivre. Il leur manque quelque chose. Même s'ils ont de l'argent. Tant qu'ils sont occupés, ça va, mais quand ils prennent leur retraite, là, la vie, maintenant, je fais quoi? L'initiation lunaire, elle est là. Pour sortir de l'initiation lunaire, nécessairement, ça va nous amener à l'initiation solaire. Alors, c'est évident que pour. Par exemple, se sevrer progressivement de l'alcool, ça peut nous amener au délirium tremens. Est-ce que c'est mieux? Une espèce de crise particulièrement inconfortable du sevrage. Mais ça, on va en parler un peu la semaine prochaine, mais ça amène là. Mais ça, on peut passer ça rapidement. On revient encore toujours sur la même sur une chose, c'est que, mais encore, ça dépend toujours du niveau de conscience des individus, mais si l'humain ne se prend pas au sérieux, puis qu'il vit sérieusement, donc, ça veut dire quoi, vivre sérieusement? Ça veut dire vivre ordonné. Je n'ai parlé souvent de l'ordre. Quand on met de l'ordre dans sa vie, dans sa sacoche, dans sa valise d'auto, dans ses souliers, on met de l'ordre dans ses affaires, on paye ses comptes, là. J'ai pas d'argent, je le paye pas. Je paye ça, on claire des cossins. Oh, j'ai 3 semaines de payer. Tu payes. Qu'est-ce que tu veux? Mettre de l'ordre. Alors, quand l'humain met de l'ordre dans sa vie, quand l'humain ordonne énormément ses choses, là, l'humain, comme l'humain, vit sérieusement. On fait du sport, on fait du conditionnement physique, on fait ça sérieusement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'amuse. Donc, on s'amuse sérieusement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se prend pas au sérieux. Fait que, qu'on ne peut pas perdre, on ne peut pas gagner. C'est pas parce que la balle, elle s'en va là-bas quand tu joues au tennis, c'est super. C'est parce que la balle, elle s'en va là-bas. La raquette est pas assez grosse. Bon, c'est pas. Le terrain est trop grand. Si vous auriez eu une raquette plus grosse, vous l'auriez eu. Hein? Si il y avait lancé dans votre raquette, vous l'auriez eu. Comprenez ceci. On fait une course, tout le monde ensemble, disons, puis Charles gagne. Il y a 3, 4, 5 égaux qui sont frustrés. Pourquoi? Si vous auriez le cœur de Charles, vous auriez gagné. Donc, ça dépend pas de Charles. Il serait gagné, là. Vous courez à ma place, je suis pas sûr. Avec ton corps, c'est peut-être trop vite. Mais, prenez l'idée. C'est que l'humain est toujours en train d'évaluer tout le temps. L'initiation solaire va te faire prendre conscience qu'effectivement, ça n'a même pas une... La compétition, ça est net, là. Ah, mais lui, il est plus génial que moi, il fait plus d'argent, puis là, moi, je le compétitionne. Ça sert à quoi? T'sais, organise ça pour vivre avec toi-même. Donc, vis sérieusement, ça va te prendre au sérieux. Ça va atténuer et l'initiation lunaire et faciliter, même si on rend agréable, l'initiation solaire. Ça, j'appelle ça relaxer. Relax. Bon, ton auto est brisé, là, relax. Mais là, c'est pas un état comme une défaite ou de dire de réaliser qu'on a tout échoué. On n'a rien échoué. Si vous auriez su, vous n'auriez pas fait ça. Il y avait un gars à vous informer, je ne sais pas qui, mais... Tu sais, distance n'a pas d'importance, mais en tout cas, c'est plus souvent. Plusieurs années-lumière à la distance, on ne s'en rend plus. Mais il n'y a pas d'échec. Qui a fait un échec? Comprenons l'idée. Il y a des personnes qui se disent, moi, je ne suis pas assez intelligent, puis assez intelligent, puis ceci, puis cela. Si tu avais su ce qu'il fallait faire, tu aurais fait ce qu'il faut. Ben oui. Donc, tu es intelligent. C'est parce qu'il te manquait des informations. C'est la faute à qui? C'est la faute à personne. L'humain doit bien comprendre. Moi, je peux parler. Est-ce que c'est méritoire? Absolument pas. Je parle. Bon, quelqu'un qui ne peut pas parler comme moi, il n'est pas censé quoi que ce soit. Si vous m'écouteriez chanter, là, vous comprendriez que... Il y en a qui ont d'autres talents, je ne sais pas. Mais... Comprenez-vous pourquoi je parle? C'est ça? Comment? Les personnes vont relaxer. Pour adoucir, là, c'est ne pas se prendre au sérieux. Aussi, c'est facile à dire, prenez-vous pas au sérieux. Il pleut, je suis à pas qu'il pleut, ça vous regarde pas qu'il pleuve. Il pleut quand même. Bon, ne pas se prendre au sérieux. Mais, qu'est-ce qui peut réellement vous déranger dans votre vie? Honnêtement parlant. Mais, qu'est-ce qui devrait? C'est pas grand-chose. Une tache de moutarde sur votre cravate, sur votre robe. Franchement, lui-même vaut plus que ça. Bon, une crevaison. Voyons donc. Un automobile qui démarre pas, faites un fort au bureau. Mais voyons donc. L'humain, c'est quoi? C'est bien mieux que ça. Une panne de courant pendant qu'on écoutait la vidéo Terminator 2. Ah oui, non. C'est une panne de courant. Ben oui, c'est une panne de courant. Là, tu cherches tes chandelles, ta lampe de poche, puis après une demi-heure, tu le trouves, tu allumes, l'électricité revient. Tu m'encore chiolé. Ah, maudit, ça arrive quand? Ben oui, mais tu sais qu'on va ça peut s'éteindre encore. C'est quoi? Vous travaillez sur un ordinateur, là, puis avant de sauver, tu te plantes, là? Qu'est-ce que tu vas chialer? Ça veut dire, va te reposer, marche, occupe ton gazon, fin tout dehors. Patron comprend pas, va lui expliquer. Va chercher un nouveau patron. Peut-être. Chercher une nouvelle job. Non, mais uniquement, honnêtement parlant, là, c'est quoi la problématique qui peut niaiser l'humain? Dans l'initiation lunaire, tout le niaise. Parce qu'il découvre comment il est laid. Il est pas laid, c'est même pas lui. Bon, si vous vous preniez pour votre automobile. Hey, j'ai eu un flat, hey, moi, j'accélère vite. À un moment donné, vous découvrez que vous rouillez. Essayez de vous identifier à l'automobile, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à vivre. Je suis dans une traction avant. C'est ça. Avant, je suis une traction toujours avant, hein. C'est pas plus sûr, traction. C'est traction arrière, là. C'est quand tu recules, là. Okay. Traction arrière, là. Quand tu recules tout le temps. C'est ça. Mais honnêtement parlant, quand on recherche, là, quelles sont les raisons de crier, de chialer, de péter, de course, de péter, de tout ça au complet? Et quoi? Là, à ce point de vue-là, absolument, il n'y en a pas. Mais non, il n'y en a pas. Jamais. Mais s'il n'y en a pas, là, pourquoi qu'on en met plein? Je sais que psychologiquement, il y a des situations de la vie qui sont drôlement inconfortables à supporter. Hein? Il y a des stress, l'ego s'amuse là-dedans, on comprend. Mais deux fois qu'il y en aurait quelques-unes, que c'est pas nécessaire, mais qu'on supporte difficilement parce qu'on se prend au sérieux. On aurait voulu prouver qu'on était capable de contrôler la situation, ou on n'aurait jamais voulu être poigné une situation comme ça à cause que notre ego n'aime pas ça. On se prend encore au sérieux. Mais disons qu'on va laisser ces derniers vestiges-là pour que l'humain ait l'impression que ce n'est pas lui qui contrôle, là, c'est qu'il fait quelque chose. C'est-à-dire que de supporter son fardeau. Mais tout le reste au complet, ça sert à quoi? Votre café est trop chaud, votre café est trop froid. Votre toast est brûlé. Le respirateur ne fonctionne plus. Vous êtes venu de ramasser la souris de votre chat dans le respirateur. T'as perdu ton porte-monnaie avec toutes tes cartes là-dedans. Puis le chat l'avait pas lâché. Vous perdez vos cartes. Je dis souvent aux personnes, vous en avez eu des problèmes dans votre vie. Des petits, puis des gros, puis des très gros, puis des petits qu'on a grossis, puis des gros qu'on n'a pas vus, etc. Aujourd'hui, quand on en parle, on trouve ça drôle. Donc, c'est drôle. C'est l'illusion. Oh, mais à l'époque, on rit aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas... Pourquoi? C'est quoi la différence? Au moment où on le vit, on a de la misère à rire. Parce qu'on s'identifie. En sérieux, on s'identifie tellement au fait qu'on a de l'égoïsme, à de l'égocentricité, de l'orgueil, on devrait pas vivre ça, etc. C'est pas conscient. Mais on est frappé. Quelqu'un marche puis vous pile sur vos beaux souliers neufs. Bang! Passe dessus puis vous regarde avec un grand sourire. Qu'est-ce que ça vient foutre dans votre vie, ça? Qui s'en aille, le mec? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ma vie va être arrêtée, moi. Gueuler après le gars s'il est plus petit que moi. Puis je vais... Moi, s'il est plus petit, je gueule pas. Si c'est plus grand, je vais gueuler. Puis de moins en moins fort, ça, là. Inversement proportionnel à la taille, là. Mais... C'est l'autre de l'arrière où tu regardes. Mais, son père. C'est ça, son père ou son mère. Quand on regarde le football, vous voyez, c'est pas ça. Mais combien d'énergie, de temps et de vie qu'on perd? L'initiation lunaire, à un moment donné, c'est quand on découvre que tout ça complet, c'est de la putain. C'est utile. Mais ça n'a pas la valeur énergétique ou la valeur de conscience qu'on y avait donnée. C'est autre chose. Ça les religions, c'est utile. Moi, j'aime autant que mon fils se rende dans n'importe quel secte, chez les Mormons, chez les Jéhovah, chez les Krishna, que de rester dans la drogue. OK? Bon. Après ça, quand il sera dans une secte comme ça, j'aime autant, moi, qu'il rentre dans une école ésotérique ou dans un club de je ne sais pas quoi, ou etc. Puis après ça, j'aime autant qu'il rentre, qu'il fasse, puis il va faire sa vie, je n'irai pas le mener. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque chose est utile. C'est pas parce que lui-même, à un moment donné, par exemple, se retire d'une religion particulière, une religion organisée, une religion de masse, que la religion n'est pas bonne. C'est tout utile, mais ça n'a pas la valeur émotive que tu lui avais donnée. À un moment donné, ça va changer. Il faut comprendre la mécanique des choses. Bon. Alors, l'individu qui ne se prend pas au sérieux, il n'y a pas de problème. Tu fais pour le mieux. Et puis, si tu arrives en retard, tu arrives en retard. Si tu arrives en avance, tu arrives en avance. Vous savez, c'est quoi la définition de quelqu'un qui arrive en avance? Quelqu'un qui arrive toujours une demi-heure en avance, c'est quelqu'un qui attend une demi-heure de plus. Hein? Et l'autre arrive toujours en retard, bon. Mais c'est pas grave. Là, tu arrives, puis tu t'installes, puis t'attends, puis tu regardes, puis... L'humain doit s'ordonner. Ça, c'est parce qu'il s'aime que l'humain mette l'ordre dans sa vie. Les personnes qui sont ordonnées, c'est des personnes qui ne s'aiment pas psychologiquement. Ils ne méritent pas une facilité, une aisance. Moi, je connais des personnes qui s'en vont, qui ont une automobile neuve, ils s'en vont, puis ils traversent des grands parcs, puis ils ont une crevaison. Puis là, ben là, avant qu'ils trouvent la route de secours, avant qu'ils trouvent le manuel, avant qu'ils trouvent comment on fait tourner les babelles, avant qu'ils trouvent ce qu'on accroche après le char, pas organisé. Il y en a d'autres qui, je les connais, moi, ils descendent au Vermont, ils s'en vont à telle place. C'est facile, ils ont dû suivre telle route. À un moment donné, ben là, ici, ils n'ont pas de carte. On en dit en Gaspésie, ça parle encore un drôle d'anglais. Ils s'engueulent. J'avais dit, t'aurais dû tourner vers deux provinces. Mais les personnes ne sont pas organisées. Des personnes qui, inconsciemment, ne s'autorisent pas à mettre de l'ordre. Ne pas se prendre au sérieux, c'est ce qui met fin à l'initiation lunaire. Ça va enclencher l'initiation solaire. Pourquoi? Parce que l'humain qui ne se prend pas au sérieux, c'est un humain, c'est drôlement intelligent. Je ne parle pas intellectuant, tout le monde est intellectuant. L'intellectuant, c'est la capacité de se rappeler ce qu'on a appris quand c'est nécessaire. L'intelligence, c'est la capacité de savoir ce qu'on a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire. C'est plutôt intuitif. Dans mon langage, on prend les mots qu'on voudra, puis l'intelligence et l'intellectuant, si vous voulez, mais juste qu'on fasse une séparation entre les deux. Vous connaissez Montréal. Hein? Vous connaissez peut-être la mécanique. Mais vous ne connaissez pas que vous vivez. Vous savez que vous vivez. Vous connaissez de la France. Quand je parle d'intelligence, moi, ça amène un savoir qui est spontané, qui ne provient pas de la connaissance. Puis l'intellectuel provient de la connaissance, on se rappelle. Bon, alors moi, je sais que telle personne est correcte. Quelqu'un va me dire, ouais, mais tu peux te tromper. Non. Si elle me vole, elle me vole demain. Mais présentement, elle ne me vole pas. Si elle ne peut pas me voler là, je la sens. Bon, je sais. C'est-à-dire que si je la connais, ben, je peux me faire ramasser encore bien plus, parce que demain matin, quand il faut signer un contrat, je sens que c'est pas correct. Si je la connais, je ne sens plus rien. C'est de l'intellectuel. La personne qui est capable de ne pas se prendre au sérieux, donc de relaxer dans la vie. Faut faire attention, relaxer dans la vie, ça ne veut pas dire il y a un voleur en train de piquer mon automobile, là. Oh, bon, je vais pas faire voler, pas faire voler, ouais. On écoute Indiana Jones, puis on continue. C'est pas ça, ne pas relaxer, ça n'a rien à voir. Là, encore une fois, la personne, elle s'aime pas. Tu sais, tu sors, t'appelles le 911 ou t'appelles si tu restes en campagne, ben là. T'appelles Jacques, si tu restes en campagne. Ouais, je sais, non, mais si tu restes en campagne, ben là, tu cherches le numéro de la police. Hein? Parce que, bon, ils n'ont pas nécessairement ramassé. Moi, j'en connais qui reste à Saint-Jérôme, là, puis il signale 9-1 quand il y a des problèmes. Ça sonne, pas fort. La personne, on gère sa vie. On s'occupe de ses choses. Comme je dis souvent, on assure son automobile, on assure sa maison. Quand on se conscientise, on assure nos choses. Puisque, fiez-vous sur l'initiation, parce que nous, on passe au feu, que tout disparaît. On assure nos choses, sans ça, c'est risqué. Moi, j'ai pas d'argent pour assurer. 20 morceaux, t'assures le reste. Ça, ça en est aussi de l'ordre dans le sens dans ses affaires, dans ses vies. Oui, parce que ça coûte de l'assurance, franchement. C'est assure au minimum le minimum, hein? L'assurance-vie. Bon, ça ne sert pas grand-chose, ça fait tout ça, en tout cas, là, mais... Ben. Il te fournit, c'est moi, Zorkeuil, avec de la musique. Quand on a une famille, etc., c'est évident qu'on est conséquentiel, on s'arrange. Assurez-vous pas trop. Le minimum. Donc, l'humain qui se prend pas au sérieux va être capable de passer l'initiation lunaire d'une façon beaucoup, beaucoup, beaucoup plus agréable. Moi, j'ai vécu des situations qui ont toujours été, pour plusieurs personnes, extrêmement stressantes. Puis, dans la majorité des situations, lorsque j'étais jeune, j'avais pas de problème. Parce que, on apprend. Mais la vie nous amène pas des leçons. Mais on peut apprendre par les événements de la vie. Et la vie n'est pas là pour nous amener des leçons. J'ai pas eu deux accidents de fil pour m'apprendre que... Non, je peux apprendre que... Et je peux apprendre que quand il y a de la glace, on conduit différemment. Mais ils n'ont pas mis de la glace sur la route pour que j'apprenne que quand il y a de la glace, on conduit différemment. Mais ça, souvent, les personnes, c'est spiritualisé. La vie, elle nous amène des leçons. La vie, elle nous amène pas grand-chose, la vie. Hein? C'est le lac qui nous amène du poisson, donc c'est pas vrai. Tu mets ta ligne à pêche dedans, faut t'attendre, tu travailles, tu sors, puis bon. Hein? Le lac, il est là, du poisson dedans, mais ça, c'est un hasard, on va dire. C'est une condition mécanique. C'est pour ça aussi que dans certains cas, ça peut prendre deux dérapages sur la glace pour comprendre que c'est coulant, puis il y en a d'autres qui peuvent prendre 10 fois. Donc, ne pas se prendre au sérieux, c'est la caractéristique la plus importante pour se dégager de l'initiation lunaire. L'initiation lunaire, c'est quelque chose, comme je vous le dis, qui s'adresse au collectivisme. L'initiation solaire s'adresse à l'individu. Donc, pour se dégager de l'initiation solaire, il faut que l'humain cesse d'être collectif. Il faut que l'humain se centre dans son intelligence. Il faut que l'humain devienne de plus en plus individuel au niveau de la conscience. Et c'est encore, je reprécise, parce que souvent, il y a des personnes qui ne voient pas la nuance. Être individualiste au niveau de la conscience, ça ne veut pas dire être sauvage au niveau social. Ça veut dire que quand tu penses quelque chose, que tu es sûr que c'est ça, si tout le monde pense différemment, toi, tu continues à penser que c'est ça. Mais est-ce qu'on parle... Tu peux analyser pourquoi que pour voir, mais tu n'es pas coloré par le fait qu'ils sont un grand nombre à penser différemment. Est-ce que dans la transition, on passe par l'étape d'être sauvage au niveau de la Oui, parce que psychologiquement, on a de la difficulté à supporter la centricité de notre intelligence. Et le moindrement qu'on se rapproche de quelqu'un, on perd un peu ce qu'on était. Alors, il y a une mécanique au niveau de l'évolution qui fait en sorte qu'on va devenir sauvage de façon à s'arranger inconsciemment pour être de moins en moins coloré par les opinions d'autrui. Donc, on devient sauvage. Sauf que ça ne rend pas tout à fait confortable la structure ascensionnelle. Ça rend l'initiation lunaire solaire pas tellement confortable parce que finalement, tu te ramasses seul. Le solitaire, il va s'arranger. Mais le corps astral a besoin d'alimentation, a besoin d'échanges entre humains, au niveau mental aussi, au niveau de dialectique, par exemple. L'individu doit faire quand même la nuance entre le fait d'être individuel de conscience et d'être individuel au niveau social. Les personnes qui me disent, moi je vais être individuel, moi je suis autonome. Tu es autonome? Ben oui, c'est ça de l'illusion. Ah, moi je suis autonome, moi je n'ai pas plus de personne. Parfait. Les souliers, là, c'est des affaires de gamin. Quand je les ai achetés. Ah! Je pensais que tu étais autonome. Ah, j'ai acheté des souliers. Donc, ça dépend des gars qui ont les souliers. Ah, oh, voilà, c'est pas pareil. Pareil, c'est exactement ça. T'es pas autonome. Ça sert à rien de vouloir viser l'autonomie. C'est préférable de vivre en société. Puis on divise les efforts, on multiplie les résultats, puis ça va être beaucoup plus agréable quand lui-même va commencer à fonctionner un peu plus centré dans son intelligence. Mais être autonome, être individuel, puis être individuel de conscience, c'est pas pareil. L'humain qui commence à être individuel, lui, ça veut dire qu'il se centre de plus en plus sur lui. Au début, il va faire des petites choses inécologiques, inajustées. Il faut qu'il apprenne des choses. Quand il va être totalement conscient, il va savoir immédiatement, mais en attendant, il doit quand même expérimenter la mécanique. Donc, ne pas se prendre au sérieux. Être individuel au niveau de sa conscience. Alors, vous aimez tel genre de musique. Puis là, vous avez visé la famille, puis la famille, vous mettez votre disque, puis la famille a dit, « Kim, t'es bien arriéré, t'écoutes ça de la fin de même! » Là, vous dites, ben oui, j'écoute cette affaire de même. Puis si vous voulez pas l'écouter, je peux laisser l'arrêter. Mais oui, j'écoute ça. Mais non, non, c'est pas assez mal, ça n'a plus d'allure, ça, c'est pas tes. Je suis arriéré, moi j'écoute ça. Fini là. Quelqu'un qui se prend pas au sérieux, là, il obstine jamais. Si vous saviez, là, essayez ça, la force de la non-obstination, comment c'est génial. Décourageant pour les autres, c'est plate. Dernièrement, il y a encore des personnes avec qui j'avais des tendances à m'obstiner, puis de plus en plus, je m'obstine plus, ils me traitent de n'importe quoi. Je suis d'accord. Et à un moment donné, ben là, ils se rendent compte qu'ils ont dit c'est un peu trop poussé. Mais quand tu obstines, c'est un égo attire un égo. Vous obstinez plus. On s'ennuyer tout seul, c'est bien ennuyant, je finis par arrêter. Ouais, c'est ça, c'est... T'as bien pas de goût! Qu'est-ce que je fasse? Hey, pourquoi vous allez vous obstiner? On n'a pas le même goût. Moi, je vais avoir ça, je vais avoir tel cas. T'as bien pas de goût? D'accord. J'ai pas de goût. Alors, on va de ça de là. Ah, ben non. Moi, pas de goût, j'aime ça. Non, mais c'est tellement plus facile. Ouais. Hey, voyons là, pas de goût, crème. Je dis qu'il n'y a pas de goût. Puis, tous les goûts sont dans la nature. Puis, voyons là, c'est Votre vie parle. L'initiation lunaire, elle est là. On s'en sortir, on se prend pas au sérieux, on est nous autres. Moi, si je me prends pas au sérieux, là, je m'obstinerai pas. T'es malade. C'est exact. L'autre, après ça, c'est qui c'est? Un crime, soigne-toi. Ça, je fais. En attendant, mais... Pas de goût, mais qu'est-ce que vous voulez faire? On vous dit que vous êtes mal habillé, vous avez pas de goût. Vous aimez ça. Qu'est-ce que vous avez expliqué aussi? L'initiation lunaire, là, c'est... Conscientisation qu'on est dans un espèce de marasme intéressant, mais c'est bien mieux qu'on peut penser. C'est bien mieux qu'on a pensé. En attendant, on découvre que ce qu'on a pensé, c'est pas ça. C'est bien mieux après le temps. Prends-toi au sérieux. C'est important, on vit sérieusement. Et on devient individuel au niveau de conscience, on se sent. Les heures passent vite. 60 minutes seulement. À un moment donné, elle change. C'est l'heure métrique. Alors, vous avez des questions sur n'importe quel sujet ou sur le sujet de la conférence, vous les écrivez sur le papier.